Actes chapitre 20. Or après que le trouble fut cessé, Paul fit venir les disciples, et les ayant embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Et quand il eut passé par ces quartiers-là, et qu'il eut fait plusieurs exhortations, il vint en Grèce. Et après y avoir séjourné 3 mois, les Juifs lui ayant dressé des embûches, au cas qu'il fût allé s'embarquer pour la Syrie, on fut d'avis de retourner par la Macédoine. Et Sopater, Béréen le devait accompagner jusqu'en Asie, et d'entre les Thessaloniciens, Aristarque et Segon, avec Gaïu, Berbien, et Timothée, et de ceux d'Asie, Tychique et Trophime. Ceux-ci donc étant allés devant, nous attendirent à Troas. Et nous, ayant levé l'ancre à Philippe, après les jours des pains sans levain, nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux, à Troas, et nous y séjournâmes 7 jours. Et le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours, qu'il étendit jusqu'à minuit. Or il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur une fenêtre, étant abattu d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul, emporté du sommeil, tomba en bas du 3e étage, et fut levé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, et l'embrassa, et dit, « Ne vous troublez point, car son âme est en lui. » Et après qu'il fut remonté, et qu'il eut rompu le pain, et mangé, et qu'il eut parlé longtemps jusqu'à l'aube du jour, il partit. Et ils amenèrent là le jeune homme vivant, de quoi ils furent extrêmement consolés. Or, étant entrés dans le navire, nous fûmes portés à Assos, où nous devions reprendre Paul, car il l'avait ainsi ordonné, ayant résolu de faire ce chemin à pied. Et lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes avec nous, et nous allâmes à Mytilène. Puis étant partis de là, le jour suivant nous abordâmes vis-à-vis de Chios, le lendemain nous arrivâmes à Samos, et nous étant arrêtés à Trogyle, nous vîmes le jour d'après à Milet. Car Paul s'était proposé de passer au-delà d'Éphèse, afin de ne point séjourner en Asie, parce qu'il se hâtait d'être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Or il envoya de Milet à Éphèse, pour faire venir les anciens de l'Église. Qui étant venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous, dès le premier jour que je suis entré en Asie. Servant le Seigneur en toute humilité, et avec beaucoup de larmes, et parmi beaucoup d'épreuves, qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Et comment je ne me suis épargné en rien de ce qui vous était utile, vous ayant prêché, et ayant enseigné publiquement, et par les maisons. Conjurant les Juifs et les Grecs de se convertir à Dieu, et de croire en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, voici, étant lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver. Sinon que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, disant que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais cas de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu qu'avec joie j'achève ma course, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais qu'aucun de vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, ne me verra plus. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin, que je suis né du sang de tous. Car je ne me suis point épargné à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups très dangereux, qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il se lèvera d'entre vous-même des hommes qui annonceront des doctrines corrompues, dans la vue d'attirer des disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir à chacun de vous avec larmes. Et maintenant, mes frères, je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, lequel est puissant pour achever de vous édifier, et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Et vous savez vous-même, que ces mains m'ont fourni les choses qui m'étaient nécessaires, et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses, qu'en travaillant ainsi il faut supporter les infirmes, et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit, que c'est une chose plus heureuse de donner que de recevoir. Et quand Paul eut dit ces paroles, il se mit à genoux, et fit la prière avec eux tous. Alors tous se fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils le baisaient, étant tristes principalement à cause de cette parole qu'il leur avait dite, qu'ils ne le verraient plus. Et ils le conduisirent au navire.